une histoire particulière. Ce week-end, pour finir notre collection d'histoires de lieux, nous allons vous emmener dans l'Oise. Mais avant tout, un petit rappel historique s'impose. Le 15 août 1936, dans un village situé à 40 km à l'est de Munich, fut ouverte la maternité Auckland, premier centre du Lebensborn, association créée par Heinrich Himmler et dépendant de la SS pour promouvoir la naissance de bébés de pure race aryenne. La demeure ressemble à un énorme chalet et est entourée de dépendances. Des maisons Lebensborn comme celle-ci, il y en eut 10 en Allemagne, 9 en Norvège, 2 en Autriche, 1 en Belgique, Hollande, Luxembourg, Danemark et 1 en France. Eleonora Krief et François Test vous y emmènent maintenant. En 1935, sous le Troisième Reich, un projet secret est mis en place. Le but est de créer une race aryenne supérieure et pure à partir d'enfants blonds aux yeux bleus. More than 20,000 babies were born in the Nazi birth houses. They were the product of a disturbing mission that had been started 10 years earlier, the Lebensborn. Le manoir de Bois-Laris, une pouponnière nazie en France. Par Eleonora Krief et François Test. L'un des architectes de la Tour Eiffel, Stéphane Sauvestre, s'est illustré à La Morlaix dans l'Oise en dessinant un manoir pour la famille Meunier, le célèbre chocolatier. Cet ancien château Meunier est aujourd'hui connu sous l'appellation du manoir de Bois-Laris. C'est dans cette bâtisse en pierre, bois et briques, isolée du reste du village, que les SS ont choisi d'installer le premier et unique Lebensborn français, un vieux mot allemand signifiant « fontaine de vie ». Des hospices qui accueillent des jeunes femmes enceintes de membres de la SS, très souvent des filles mères souhaitant accoucher dans l'anonymat. Dans l'Allemagne des années 1930, Hitler veut un peuple de surhommes. Un ordre de procréation est donné par Heinrich Himmler pour encourager ces hommes à procréer et donner ainsi des enfants à l'Allemagne. Dans la tête de cet homme va naître ce projet fou, créer des maternités où l'on fabrique des enfants de sang pur pour régénérer le peuple allemand. De cette pouponnière nazie, nichée à proximité de Chantilly, il ne reste que très peu de traces. Et rien dans les traits de cette maison ne laisse supposer ce sombre passage de son histoire. Lucienne Jean, on vient de voir passer un cheval. La Morlaix est connue pour son centre hippique aussi. Oui, c'est la première activité économique, enfin presque la seule activité économique vraiment d'importance avec les commerces. Ça représentait 2000 emplois il y a une dizaine d'années. On disait facilement 2000 emplois liés au monde des courses. Il y a une soixantaine d'écuries d'entraînement et qui sont réparties sur la partie est de la ville. Et qui donc justement ont accès à la forêt en passant tout près du manoir de Bois-Laris. Du manoir de Bois-Laris où justement il y a une écurie. Hein. Oui, mais ça c'est des écuries de bourgeois qui avaient des chevaux pour la chasse à cours ou pour le loisir. Ce n'était pas des écuries d'entraînement. Alors, Lucienne Jean, nous sommes en pleine forêt de Chantilly. Et nous avons emprunté une route très arborée pour arriver devant le manoir de Bois-Laris. Ce manoir appartenait anciennement à la chocolaterie Meunier. Il appartenait à un des meuniers, je crois que c'est Henri Georges, qui l'a fait construire. Et oui, c'est la dynastie des Meuniers, chocolatiers. Et c'est ici, au manoir de Bois-Laris, que les Allemands ont décidé d'implanter le premier Lebensborn français. Pourquoi ce choix, d'après vous ? Le manoir était déjà occupé par la Wehrmacht. Il a d'abord été occupé par la Wehrmacht, et puis ensuite par les SS. Et c'est ensuite qu'ils ont décidé de l'installer là. Donc, ils connaissaient ce manoir avant d'avoir l'idée de créer un Lebensborn. Alain Morlaix a été très occupé. Enfin, toute l'Oise, d'abord, a été extrêmement occupée par les Allemands. Il y a un taux d'occupation de l'armée allemande beaucoup plus fort qu'ailleurs. Parce qu'effectivement, c'est un nœud routier, ferroviaire, et que c'est relativement proche des frontières, en fait, et à la fois de Paris et des frontières. Et donc, à la Morlaix, il y avait énormément... La Wehrmacht faisait soigner ses chevaux. On est à quelle distance du centre-ville, là ? Alors là, pour rejoindre le centre-ville, si on prenait le petit chemin des chevaux, ça serait, je dirais, un quart d'heure. Mais on est très près. On est très près du centre-ville, oui. On est très près, mais très caché. Je ne sais pas comment c'était en 1940, parce que sur les cartes postales anciennes, la forêt est beaucoup moins importante. Mais enfin, c'est quand même très à l'écart. C'est facile à contrôler, puisqu'il n'y a qu'un accès qui est cette route sur laquelle nous sommes, là. On va s'approcher du manoir. Je m'appelle Fabrice Virgili, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille depuis maintenant un certain nombre d'années sur la manière dont les guerres troublent les relations entre les femmes et les hommes. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut définir ce qu'est le projet du Lebensborn ? Les nazis ont une vision du monde qui est une vision du monde raciste, c'est-à-dire où le premier critère, c'est l'appartenance à ce qu'ils considèrent être une race. Et le monde est vécu comme un ensemble, les populations humaines, hiérarchisées en fonction de ces races. Et il se situe en haut de cette hiérarchie. Et donc le Lebensborn, c'est un des aspects de cette politique du nazisme qui vise à assurer, un, la suprématie raciale de ce qu'ils appellent la race aryenne. Nous savons depuis longtemps qu'on n'a aucune réalité scientifique ou autre, est un fantasme. Mais la suprématie de cette race et plus largement de l'ensemble de ce qu'ils considèrent être les races germaniques sur le monde, donc de renforcer d'un côté la race aryenne et de l'autre de réduire en domination, voire d'éliminer les races qu'ils sont considérées comme inférieures, les juifs étant tout en bas de cette vision du monde raciste des nazis. Hitler a détourné la loi du plus fort édictée par Darwin pour justifier l'existence de cette race puissante. Boris Thiollet, auteur de La fabrique des enfants parfaits. Ces générations d'enfants vont incarner la race supérieure qui va gouverner le monde. Alors évidemment, ces enfants, on peut l'imaginer, ils doivent correspondre aux critères physiques idéaux selon les nazis, c'est-à-dire des enfants qui vont être plutôt grands et sportifs, entre guillemets, blonds, avec des yeux bleus, idéalement. Donc on va, pour cela, créer de toutes pièces une institution qui s'appelle le Lebensborn, qui était gérée comme une association aujourd'hui. C'est un statut associatif. Le président de l'association était donc Heinrich Himmler, en personne. Et donc cette institution consiste à créer des maternités qui disposaient véritablement du matériel le plus avancé de l'époque, de manière à ce que des femmes qui ont subi des examens raciaux puissent venir accoucher d'enfants, sachant qu'elles ont conçu ces enfants également avec des hommes qui correspondent aux critères raciaux nazis. Les pères idéaux, dans un premier temps, pouvaient être les gens qui appartenaient à la SS, parce que pour rentrer dans la SS, il fallait déjà satisfaire à des critères raciaux. Voilà l'idée de départ. La mouvance politique nazie, elle semble vraiment comparer les humains à un cheptel animalier, où on doit éliminer les mauvais éléments, promouvoir les meilleurs, et améliorer la génétique du groupe. C'est vrai qu'il y a eu, parmi les premiers travaux dans les années 60, 70 plutôt, pardon, autour du Lebensborn, un peu ce fantasme que ce serait des sortes de haras humains où des jeunes germaniques, femmes, seraient engrossées par l'élite national-socialiste que constitue la Waffen-SS. Là, on est plus sur le mythe que sur la réalité. Donc, en fait, le Lebensborn, c'est garantir aux nouveau-nés considérés comme racialement bons pour l'avenir d'un Reich qui se veut millénaire, ne l'oublions pas, le meilleur de la pédiatrie, de la puériculture, pour qu'ils soient finalement pris en charge dès le plus jeune âge, dans les meilleures conditions possibles de l'époque. Alors là, on aperçoit donc l'arrière des écuries. Donc il y avait la maison du garde, les communs et les écuries à l'époque du Lebensborn. Oui. Et le manoir, lui, se trouve de l'autre côté. Oui, plus loin. Plus en hauteur, en fait. Je pense que d'un point de vue de l'architecte, il l'a mis au plus haut. Parce que c'était certainement l'endroit le plus agréable. Donc voilà, c'était bien là. Et c'est dans ce manoir, dans ce bâtiment, que vivaient les femmes et les enfants à l'époque du Lebensborn ? Oui, absolument. C'est la vue, la carte postale qu'on a du manoir et qui est restée vraiment. Le manoir en tant que bâtiment, il n'a pas, de l'extérieur, il n'a pas bougé. Et même de l'intérieur, malgré les aménagements nécessaires pour accueillir les enfants, on retrouve les lambris, les cheminées, enfin, le décor qu'on voit sur les cartes postales, il est encore là, quoi. On peut imaginer comment c'était du temps des meuniers, voire du temps du Lebensborn. Alors la propriété, je pense qu'elle s'arrêtait là, mais elle va très très loin vers le bas de la Morlaix. Ce que disent les gens, c'est que c'était fermé, surveillé par les SS, et qu'on repoussait les gens qui, par curiosité ou avaient envie de s'approcher de ce lieu-là. Un peu comme nous aujourd'hui. Un peu comme nous aujourd'hui, exactement. Il est arrivé plusieurs fois qu'on voit des tractions arriver, s'engouffrer dans la maison et refermer tout de suite. Mais dire ce qu'il y avait dans les tractions, il y avait des hommes devant et des femmes derrière, mais on n'avait pas le temps de voir. C'était terriblement secret, parce que les filles qui s'y trouvaient étaient quand même des filles de Sauvage-Boche, c'était quand même des filles mères. Alors, dans le petit coin de la Morlaix, ça passait mal. Et ils étaient complètement coupés de l'extérieur. On n'avait pas trop de soupçons. On n'imaginait pas des choses comme ça, que ça puisse exister. Lucienne Jean, on se trouve devant une pancarte à l'entrée du manoir qui indique qu'aujourd'hui, c'est un centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants, de la Croix-Rouge. Mmh. Et ils refusent l'accès au public. Ben, c'est-à-dire que d'abord, ils veulent protéger les enfants et les malades qui viennent là. Et puis, d'autre part, je pense que la Croix-Rouge a une gestion bizarre, de mon point de vue, de cette histoire, d'histoire de ce lieu, dont elle n'est a priori absolument pas comptable. Mais elle ne veut pas qu'on en parle. Elle ne veut pas que le nom de la Croix-Rouge, le nom du centre de rééducation de Guallaris, soit associé au Lebensborn, à l'image du Lebensborn, plus qu'au souvenir, parce que le souvenir, on n'a pas beaucoup. Mais c'est vraiment très difficile d'obtenir une autorisation pour faire quelque chose comme un reportage qui soit radio ou télé. C'est très exceptionnel. Enfin, ça devient de plus en plus difficile, en réalité. Je m'appelle Jeanne Martin et je suis née à Carcassonne le 11 octobre 1941 et j'ai été recrutée comme médecin par le docteur Salaire, qui était médecin-chef à l'époque, en septembre 1976, à Guallaris. Tout de suite, j'ai su ce qui s'était passé à Guallaris. Je suis incapable de vous dire qui me l'a dit, et puis on n'en parlait pas du tout. Est-ce qu'il y avait quand même au sein du personnel des rumeurs, des bruits qui couraient ? Pas du tout, pas du tout, on n'en parlait pas du tout. Non. Alors, la seule fois où il s'est passé quelque chose, je pense qu'on vous l'a raconté, c'est que donc, un médecin de Garches, le docteur, je ne sais plus, sur le coup, il ne revient pas, Pouliquen, le professeur Pouliquen, est venu visiter Guallaris, puisqu'on se mettait à travailler avec eux. Et monsieur Pouliquen était juif. Et il a fait un malaise en disant qu'il sentait des trucs et vraiment, il est tombé dans les pommes, ça je peux vous le dire. Vous étiez là ? Ah oui, j'étais là, oui, ça je l'ai vu tomber dans les pommes. Mais à quel moment ? Au cours de la visite. Parce qu'il avait su ? Parce qu'on lui a appris ? Parce qu'il le savait. Mais il n'y avait aucune trace du Lebensborn dans le manoir ? Non. Pour moi, non. En tout cas, je ne les ai pas vus. Et... Alors, il y avait le nom, il y avait ce très beau réfectoire qui est toujours aussi beau, les dortoirs. Non, moi j'ai. Vraiment, ça ne m'a pas. Mais vous saviez ce que c'était la... Vous saviez ce que c'était l'institution du Lebensborn ? Oui, je le savais. Je savais que c'était une idée de faire, soi-disant, une race aryenne pure, etc. Comment se fait-il que les SS décident de créer un Lebensborn en France en 1944 alors que la guerre avait déjà pris un mauvais cours côté allemand ? Bah, effectivement, c'est surprenant parce que le Lebensborn de la Morlaix, donc la maternité SS de la Morlaix, qui s'appelait Westwald, ça signifie la forêt de l'Ouest, tout simplement, parce que c'est dans la forêt de Chantilly, donc on est dans l'Europe occidentale. Elle a ouvert le 6 février 1944, donc très tard, et puis elle va évidemment fermer en urgence au début août 1944, parce que tout simplement les armées alliées foncent sur Paris et qu'il est vraiment temps pour les nazis de déguerpir. Mais elle a fonctionné 185 jours, donc c'est très peu. Mais justement, ça souligne, à mon avis, l'importance qu'avait ce projet pour les nazis. Parce que alors qu'effectivement, là, hormis les jusqu'au boutistes, les fous furieux, ils savent très bien que la guerre est perdue à terme. Mais on crée quand même une institution en France, alors que tout est perdu, effectivement. Et puis on la crée aussi dans un pays qui, au départ, dont les habitants ne correspondent pas aux idéaux raciaux nazis. Pour les Allemands, les Français, c'est un peuple abattardi. Voilà, ils exècrent évidemment les méridionaux, qui sont pour eux des métèques. Les Français, c'est vraiment un peuple, qui est une espèce de sous-race. La preuve, c'est qu'ils envoient des soldats noirs pour se battre. Ils sont tellement lâches qu'ils envoient des soldats noirs pour se battre à leur place. Donc, c'est vraiment une sous-race. Mais il y a quand même une part dans l'esprit des SS, une part de la population qui est racialement valable, c'était leur terme. C'est en gros la population qui est sur une espèce d'arc est-nord-est de la France, qui irait en gros de la Bourgogne, du Jura jusqu'au Pas-de-Calais, parce que bien sûr, il y a eu dans les siècles précédents des occupations franques, des occupations de populations germaniques, et donc dans l'esprit des nazis, il y a des souches, si l'on peut dire, de sang germain qui seraient récupérables, et du coup, on va bien créer une maternité, une première. Peut-être que si le cours de la guerre était différent, il y en a peut-être eu plusieurs. En tout cas, il y en a eu une, voilà, à la Morlaix. En fait, là, vous voyez, là où il y a le terrain de basket, là, il y avait un bassin. Enfin, quand on voit les cartes postales anciennes, je voudrais vous les montrer tout à l'heure. Et donc ici, c'était vraiment, c'est un très beau. Le parc était très très arboré, Alors, il y avait un bassin ici. De l'autre côté, il y avait là où on a construit le bâtiment de la Croix-Rouge. Il y avait un jardin japonais. Donc, il y avait toute une ambiance autour de ce manoir. Donc très très construite, hein, et effectivement il est planté au sommet de la petite coteau là qui domine la Morlaix, à la limite avec Chantilly, et en lisière de la forêt de Chantilly en fait. Hein. Ce qui est très joli quand on arrive à voir la ville, c'est cette grande grille. On arrive par une grande grille qui est très importante, très très belle. On rentre dans une entrée qui est très belle aussi. Et après, sur la droite, il y a ce réfectoire qui était le réfectoire des enfants, qui est une très belle pièce. Il y avait une petite mezzanine pour les musiciens. C'est joli, c'était joli, hein. Il y avait des trucs. C'était très joli. Boris Thiollet, que reste-t-il comme trace de ces maternités SS ? Il devait y avoir une documentation absolument colossale, parce que les nazis notaient tout, tout, tout, tout, tout. Mais évidemment, comme pour les camps d'extermination, lors de leur défaite, les nazis, donc là en l'occurrence les SS, ont essayé de brûler les archives. Mais il en reste, donc il reste quelques cartons d'archives correspondant soit à l'institution globale du Lebensborn, soit à certaines maternités. Donc il y a quelques documents qui concernent la Morlaix, par exemple. Vous avez notamment retrouvé un rapport d'inspection du docteur Grégor Hemner sur le Lebensborn de la Morlaix. Oui. Oui, Grégor Hemner, c'est le médecin-chef du Lebensborn. D'ailleurs, c'était le médecin de famille d'Heinrich Himmler. Et donc, il est un peu la caution médicale, scientifique de ce projet complètement délirant. Il allait faire des visites d'inspection dans chacune des maternités qui étaient ouvertes pour vérifier que tout se passait comme prévu, parce que elles étaient toutes faites sur le même modèle, avec le même matériel qui était envoyé d'Allemagne, tout ce qu'on peut imaginer, les lits, les pouponnières, tous les meubles, etc. Et puis, il venait vérifier aussi que ça se passait bien. Et donc, Grégor Hemner vient visiter la Morlaix le 6 avril 44. Le foyer fait dans l'ensemble bonne impression de par son architecture et sa décoration. Il est digne des autres structures existantes du Lebensborn. Les chambres non attribuées ont été correctement reconverties et servent de salle d'accouchement. Une activité impressionnante règne plus particulièrement dans les pièces du rez-de-chaussée, salle de visite, chambre des mères et réfectoire. Ces dernières, les chambres, manquent toutefois de couleurs et d'images accrochées au mur. Les meubles achetés par le sergent SS Grunwald sont de très mauvaise qualité. Les fauteuils club sont déchirés par endroits ou perdent leur étoffe. Sur les chaises de la salle à manger, j'ai relevé 10 éraflures et les assises sont déjà endommagées. Les tables à langer ne sont pas fabriquées avec le savoir-faire nécessaire. À la place d'un tiroir supérieur, il faudrait installer deux armoires avec des portes pour y placer le matériel nécessaire aux soins des nourrissons. De même, il manque une rallonge sur le côté ainsi qu'une petite barrière pour empêcher les enfants de tomber. Les berceaux sont fabriqués dans un matériau très sommaire, ce qui les rend dangereux. Ils peuvent tomber à cause d'une simple secousse et entraîner les nourrissons dans leur chute. En fait, il n'est pas très content. On comprend qu'il n'est pas très content parce qu'il sent bien qu'il y a quand même du laisser-aller, d'après lui. Il trouve que le matériel n'est pas forcément bien installé. Il y a des problèmes avec, de mémoire, les tables allongées qui sont un peu vacillantes. Donc, un nourrisson pourrait tomber. Si un nourrisson tombe, bah, évidemment que c'est dramatique pour un nourrisson classique. Mais alors là, un nourrisson du Lebensborn qui meurt, c'est un drame. Voilà, parce que Himmler était totalement obsédé par ses enfants. Il prenait régulièrement des nouvelles de certains. On le tenait au courant des naissances, il envoyait des félicitations à la mère. Ceux qui étaient nés le 7 octobre, le jour de la naissance d'Heinrich Himmler, devenaient les filleuls d'Himmler. Enfin, il y avait une sorte de vision. Bah, en fait, c'était ses enfants à lui. Enfin, on ne peut pas dire ça, mais il y a une espèce de... Oui, il y a un côté Deus ex machina. Quoi. Ce sont leurs enfants. Et donc, tout est important. Et donc, lors de la visite, Grégor Hemner sent qu'il y a quand même des choses, il y a un peu de laisser aller, ça va pas, du point de vue matériel. Donc il enjoint au responsable de la maternité de la Morlaix, qui lui est un médecin SS qui s'appelle Günther Fritze, qui est en poste à Paris depuis 1942, de mémoire. Il lui enjoint de remettre un peu tout ça à l'endroit, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, par définition, quoi. Il manque plusieurs objets absolument nécessaires, comme par exemple un seau pour jeter les couches, des tables de nuit et d'autres choses de ce genre qui devront être achetées par le responsable de la SS en charge des questions sanitaires. Les six mères séjournant à Westwald font bonne impression sur le plan racial et semblent bien intégrées. Les quelques enfants présents sont en bonne santé. Seul l'un d'entre eux laisse apparaître une légère dégénérescence. Quand le Lebensborn était là, les gens ne savaient même pas ce que c'était qu'un Lebensborn. Eux-mêmes, d'ailleurs, les gens, enfin aujourd'hui, on commence à savoir, mais il y a quoi, il n'y a même pas 20 ans qu'on commence à savoir. Hein. Donc on a parlé du Lebensborn au moment du procès de Nuremberg, mais c'était tellement, ça paraissait tellement enfin, moins horrible, a priori, parce que philosophiquement c'est tout aussi horrible que l'extermination, la Shoah, etc., que c'est passé complètement dans l'ombre, finalement. Et à la Morlaix, dans le cadre de votre enquête toujours, vous avez rencontré personne qui se souvient de cette nurserie au manoir de Polaris ? Personne n'en a de souvenirs très très précis. Des gens disent qu'ils se souviennent. Des gens disent « Ah oui, bien sûr, c'était cet endroit, on n'avait pas le droit d'y aller. » Ce qui est logique, hein, parce qu'évidemment, c'était ces maternités. C'était comme des endroits pas top secret, mais quand même, on n'y rentrait pas comme dans un couvent, vraiment pas. C'était gardé par des... Il y avait des gardesses autour qui patrouillaient. Il n'y allait que les personnes qui étaient destinées à y aller. C'était en gros les maires, les encadrants et puis d'éventuels visiteurs triés sur le volet. Donc il y a quelques personnes qui disaient oui, il y avait des voitures qui s'arrêtaient. On voyait des femmes descendre avec des officiers SS. Il faut imaginer que les gens ont beaucoup reconstruit l'histoire. Je ne crois pas qu'il y ait... Moi, je n'ai pas trouvé de témoin qui ait pu me dire oui, je savais exactement ce qui s'y passait. Les gens ne l'imaginaient pas. Donc il y avait à mon avis, des rumeurs qui circulaient sur ce lieu, parce que c'est un peu en hauteur, c'est isolé, c'est dans la forêt. Donc c'était propice un peu à tous les, comment dire, les fantasmes, etc. Et surtout, qui plus est, il y a eu longtemps une sorte de vision fantasmatique du Lebensborn, en Allemagne notamment. La rumeur disait que c'était en gros des maisons de passe, si l'on peut dire, améliorées, où les grands chefs SS allaient finalement prendre du bon temps avec des filles triées sur le volet. Donc à la Morlaix, je pense qu'il y avait des gens qui se disaient « oui, il y a quelque chose là-bas, il y a des femmes et des hommes ». Mais je pense qu'à l'époque, les gens ne savaient pas ce qui s'y passait réellement. Donc on n'a pas dû entretenir la chose. Qui plus est, après-guerre, personne, évidemment, ne serait vanté d'avoir travaillé là-bas pendant l'occupation. Et puis, par ailleurs, localement, on sent qu'il y a une petite réticence à évoquer le passé de cet endroit. Alors, peut-être d'une part, parce que les gens se disent « ouais, bof, avoir eu une espèce de maternité qui servait à un projet monstrueux, c'est pas forcément très reluisant, mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. » Et puis, par ailleurs, c'est peut-être lié aussi aux fonctions... actuel, c'est un centre de réhabilitation, donc encore une fois pour des enfants qui ont des problèmes, des handicaps lourds souvent, et associer ça avec ce projet totalement fou du visant à créer une race pure, peut-être que l'association se... Voilà, en tout cas l'histoire du lieu n'a pas été préservée, très clairement. Quand on a voulu travailler sur les Lebensborn, c'était grâce à notre présidente de... Non, elle n'était pas présidente à l'époque, mais elle est maintenant. Donc, Nicole Anconina, qui connaissait l'histoire du Lebensborn et qui nous avait dit que ça serait un sujet intéressant. On avait beaucoup travaillé aussi, puisqu'on avait fait une petite conférence sur l'eugénisme. Enfin, on avait fait une grosse manifestation qui avait attiré énormément de monde, mais qu'on a eu beaucoup de mal aussi à faire accepter par la municipalité de l'époque... qui avait peur qu'on mette le doigt sur quelque chose qui permettrait peut-être d'accuser des gens d'associer l'image de la Morlaix avec un projet nazi qui était quand même très lourd. Et donc la municipalité de l'époque a essayé de nous empêcher de faire cette manifestation. Mais enfin bon, ça s'est finalement passé. On a été le lieu d'une action des nazis dont il faut parler, parce que je pense que c'est un problème... qui peut toujours ressurgir. Enfin, aujourd'hui, avec les capacités de la science, ça serait sûrement d'ailleurs beaucoup plus terrible que ce qu'ont pu faire les nazis. C'était le manoir de Bois-Laris, une pouponnière nazie en France. Avec Lucienne Jean, présidente de l'association historique de la Morlaix ALMA, Boris Thiollet, journaliste et auteur d'une enquête « La fabrique des enfants parfaits », Fabrice Virgili, chercheur au CNRS, et Jeanne Martin. Extrait sonore du documentaire « France, la nurserie oubliée du Troisième Reich » de Françoise-Renée Jamet et Laurent Marocco. Texte lu par Thierry Beauchamp. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Lénora Krief et François Teste. La suite du documentaire sur l'histoire du Lebensborn français, ce sera demain à 13h30. Pour le moment, à 14h, c'est Antoine Guillot et votre séance cinéma que nous retrouvons.